Chapitre 24e. Le prince Mazzazzoli était un esprit ingénieux et sagace, et comme avec cela il n'était embarrassé par aucun préjugé, il appréciait ordinairement avec autant de finesse que de sûreté le mobile des gens qui l'entouraient. Cependant, après le départ du baron Lazarus, il resta assez perplexe, se demandant, sans trouver de réponse, ce qui lui avait valu cette étrange visite. Que la raison donnée par le baron pût être vraie, il ne le pensa pas un seul instant. Évidemment, ce n'était pas pour avoir une consultation au sujet de ses rapports futurs avec le marquis de Lucilière que M. Lazarus était venu lui conter cette histoire. Il resta embarrassé et en même temps fâché contre lui-même. Quel besoin d'aller crier tout haut que lorsqu'on veut amener une rupture entre un amant et sa maîtresse, ce n'est point sur le mari de celle-ci qu'il faut agir, mais que c'est sur l'amant. Il n'avait pas pu résister au désir de donner une leçon pratique au baron, et il s'était livré lui-même, quelle sottise! Qui pouvait savoir si le baron, ayant échoué auprès du marquis, ne se tournerait pas maintenant du côté du colonel? Car il était évident que pour avoir entrepris cette campagne contre Madame de Lucilière, pour avoir poursuivi les recherches qui avaient amené la découverte de la petite porte, et la preuve par conséquent que la marquise était la maîtresse du colonel, pour avoir inventé cette lettre anonyme, pour avoir risqué cette démarche hasardeuse et jusqu'à un certain point dangereuse auprès du marquis, il fallait que le baron désirât bien ardemment une rupture entre les deux amants. Son échec avait pu le dérouter. Ce mot, dit maladroitement, pouvait maintenant lui indiquer une nouvelle voie. Cela était d'autant plus grave que sa visite indiquait bien clairement qu'il n'abandonnait pas la partie. Il cherchait autre chose. Ce n'est pas quand notre rival est embourbé qu'il faut lui tendre la perche. Au contraire, une saine philosophie pratique enseigne que c'est le moment de lui jeter sur la tête tout ce qui nous tombe sous la main. Agir autrement, c'est se lancer dans le chevaleresque, et le prince n'était pas du tout chevaleresque. À quoi bon? Qu'est-ce que cela rapporte? Il savait profiter des leçons de l'expérience et en tirer tout l'enseignement qu'elles peuvent donner. Une fois, dans son enfance, il avait eu un mouvement de générosité, et il en avait été récompensé de telle sorte qu'il n'avait jamais recommencé. Trois abeilles se noyaient dans un cuvier. Il leur avait tendu le doigt pour les sauver de la mort. Toutes trois avaient piqué ce doigt et, après ce paiement généreux, s'étaient envolées. Pourquoi, alors, avait-il commis la sottise de tendre son doigt au baron? Tout simplement par vanité, par besoin de briller, pour montrer qu'il connaissait la vie. Eh bien, après, la belle affaire, en vérité, d'éblouir cet Allemand. Heureusement, le prince aimait trop pour rester fâché longtemps contre lui-même. Après un premier moment de dépit et de colère, il en vint à plaider les circonstances atténuantes et finalement à trouver que sa maladresse ne pouvait avoir de conséquences fâcheuses pour lui. En réalité, que pouvait-il résulter de son mot? Une seule chose, à savoir que le baron, n'ayant pas réussi auprès du marquis, voulut maintenant tenter l'aventure auprès du colonel en prouvant à celui-ci que sa maîtresse le trompait. Eh bien, il n'y avait rien de mauvais à cela, tout au contraire, car ce qui l'importait pour le moment, c'était que la liaison qui existait entre le colonel et la marquise fut rompue. Que cette rupture fût amenée par tel ou tel moyen, cela ne signifiait rien. Que ce moyen fût mis en œuvre par celui-ci ou par celui-là, cela n'avait pas d'importance. Ou plutôt, si cela en avait une, elle était de telle nature qu'elle ne devait pas profiter à celui qui serait reconnu comme l'artisan de cette rupture. Évidemment, le colonel, quoi qu'il arrivât, saurait très mauvais gré à celui qui se serait permis d'intervenir entre sa maîtresse et lui. Si on lui prouvait que Madame de Lucilière le trompait, il était à peu près certain qu'il ne ferait pas comme le marquis. Il admettrait la preuve et ne remercierait pas celui qui la lui aurait apportée. Il fallait donc laisser le baron se lancer dans cette entreprise et se tenir prudemment en position de profiter de ses maladresses et de ses coups de tête. Car il était très probable qu'il en commettrait, et de grosses et de lourdes. La façon dont il avait agi avec le marquis donnait les meilleures espérances de ce côté. Avait-on jamais rien vu de plus gauche que cette démarche auprès du marquis? Les lettres et le choix des personnes ne manquaient pas d'une certaine originalité, mais la démarche elle-même, combien était-elle mal combinée? Aucun art, aucune mesure. Le baron, en disant qu'il était maladroit, croyait être très fin. En réalité, il se rendait justice. Quel ours! Vraiment, ces hommes du Nord n'étaient que des barbares. Et lui, homme du midi, civilisé, affiné, se prit à sourire silencieusement. Allons, allons, tout n'était pas encore perdu, il fallait boire. Il n'y avait qu'à laisser prendre les devants à ce lourdeau, et à se tenir derrière lui, prêt à profiter de ses sottises quand il en commettrait, ou à le pousser s'il n'en commettait point. Au besoin, on pourrait même le mettre sur la piste et lui faire lever le gibier, qu'il n'aurait qu'à chasser à vue en donnant de sa grosse voix à plein poumon. Ainsi, on se ménagerait pour la curée, à laquelle, bien entendu, il n'aurait point part. Et le prince Mazzazzoli se frotta les mains. Ce rôle lui convenait parfaitement, et rentrait dans ses moyens aussi bien que dans ses goûts, car il aimait l'intrigue autant qu'il détestait le danger. Non seulement cette alliance tacite serait intéressante, mais encore elle serait très probablement productive pour celui qui, à la fin de la lutte, serait assez habile pour écraser son allié et prendre sa place. Or, cet homme habile, ce ne serait pas le baron, ce serait lui, prince Mazzazzoli. Celle que le colonel Chamberlain épouserait ne serait point Ida Lazarus, ce serait Carmelita Belmont. Car il n'était pas douteux pour lui qu'en se séparant de la marquise de Lucilière, le colonel fût prêt à accepter un mariage tel quel et à se donner à la femme qui saurait le prendre. Il sortirait de cette liaison brisée, anéantie, découragée, sans force et sans ressort, détaché de la passion et de la vie. Que ne pourrait-on faire de lui en l'entourant habilement, avec des précautions qui se feraient sentir sans se laisser voir? Il arrive un moment où le noyé se cramponne à un brin de paille flottant près de lui. Le tout est de choisir l'heure à laquelle il convient de lancer sur l'eau ce fétu. Il serait là, et se chargera lui-même de ce sauvetage. Enfin, le but qu'il avait poursuivi et qui lui avait échappé serait atteint. Il était temps. Car il était à bout, sinon de force, au moins de ressources. Il avait encore du courage pour poursuivre l'exécution de son plan, mais il n'avait plus de munitions pour continuer la lutte. La bataille contre les créanciers était terrible, et il fallait la renouveler chaque jour, en déployant des prodiges de finesse et d'adresse. Tout d'abord, il s'était lui-même bravement jeté à la mer, et tout ce qu'il avait pu faire de dette en son propre nom, il l'avait fait. À cela, il y avait plusieurs avantages. Le titre de prince éblouit toujours les fournisseurs parisiens, qui à cet égard sont restés d'une naïveté primitive. Il avait donc pu, grâce à son titre, s'ouvrir des crédits qui eussent été moins larges pour la comtesse Belmont. Et puis, il fallait précisément ménager la comtesse comme réserve. Car lorsque le prince serait partout entièrement brûlé, la comtesse pourrait encore, et à son tour, trouver des fournisseurs peu exigeants sur la question du paiement. Pendant un certain temps, il avait pu marcher ainsi et faire marcher la maison de sa sœur et de sa nièce. Il n'avait pas payé un sou. Même pour un objet d'un franc, il faisait une note, et si l'on se montrait peu disposé à ouvrir cette note, il refusait l'objet poliment, il est vrai, en souriant, mais enfin il le refusait, et s'adressait ailleurs, sans jamais se rebuter, cherchant tant qu'il n'avait pas trouvé. Mais à la fin, il était venu un jour où, dans ce Paris si vaste, il n'avait plus trouvé que des portes fermées devant lui. Peu à peu, les créanciers, se fatiguant de ne pas entendre parler de règlement ou même d'acompte, s'étaient présentés les uns après les autres au rond-point des Champs-Élysées, et en apprenant que ce prince, pour lequel ils avaient eu tant de saluts et tant de sourires, habitait chez sa sœur, au nom de laquelle était l'appartement, ils avaient compris qu'il ne serait jamais payé qu'en paroles aimables et en promesses. Alors la comtesse Belmonte était à son tour entrée en chasse. Mais elle n'avait pas l'aisance, l'habileté, les manières séduisantes, le parler brillant, éblouissant du prince, son frère. Pour 20 fournisseurs faciles, qu'il avait su trouver au temps où il avait commencé à se mettre au travail, elle n'en trouvait pas deux. Encore se montrait-il presque tout de suite exigeant. Alors, dans cet intérieur administré par la vieille Marietta avec une économie de paysanne montagnarde, on avait encore forcé l'économie. Le déjeuner pour 4 personnes coûtait 10 sous par jour, 1 sou de pain et 1 sou de chocolat pour le prince, sa sœur et Marietta, 2 sous de pain et 2 sous de chocolat pour Carmelita, qu'il importait de ne pas laisser maigrir. Quand on ne dînait pas en ville, on mangeait des pâtisseries sèches, des fruits confits, des confiseries, que le prince et la comtesse mettaient dans leurs poches quand ils pouvaient faire main basse sur un buffet dans une maison où ils avaient passé la soirée. D'ailleurs, dans ces maisons, chacun d'eux mangeait sérieusement, à fond, en gens qui ne savent pas s'ils mangeront le lendemain, et parmi ses mérites les mieux appréciés, le prince possédait celui d'être ce qu'on appelait autrefois une belle fourchette. Dans les maisons qui tiennent encore à honneur de donner chair fine à leurs invités, Il était un convive charmant, mangeant beaucoup et mangeant bien, avec des paroles ou des sourires d'approbation qui partaient du cœur. Mais la dépense du manger chez la comtesse Belmonte était la petite affaire. La grande, la capitale, c'était celle de la toilette et de la représentation. C'étaient les lingères, les modistes, les couturières, le costumier pour les deux femmes. C'était la location de la voiture et de l'appartement. Ces deux dernières devant être régulièrement payées sous peine de mort immédiate. Jusque-là, on n'avait pu arriver à les payer. Mais elles avaient englouti les unes après les autres les principales pièces du musée du prince, qui maintenant étaient réduites à rien. Comment irait-on lorsqu'il n'en resterait plus une seule? Et, question non moins grave, où irait-on? Faugerolles, tout d'abord ébloui par les paroles du prince et émerveillé par la beauté de Carmelita, avait consenti, en vue d'un mariage qui devait le payer, à offrir un crédit d'un an. Elle l'avait ensuite prolongé de mois en mois, pour ne pas tout perdre, entraîné dans une sorte d'engrenage qui a ruiné tant de fournisseurs parisiens. Mais il déclarait maintenant ne pas vouloir aller plus loin. Toute la diplomatie, toute la rouerie du prince n'avait pu obtenir qu'un nouveau mois, et encore, ça avait été au prix de prières et même de pleurs, qui désormais laisseraient le couturier insensible. Ainsi, de quelque côté qu'il se tourna, il ne voyait qu'abîme autour de lui. Reculant chaque jour, il était parvenu au point extrême du rocher sur lequel il n'avait pu marcher qu'avec des prodiges d'adresse. Un pas de plus, ils étaient à la mer, sans secours possible. La vague parisienne se refermerait sur eux, et tout serait dit. Ses créanciers seuls parleraient de lui et encore pour l'injurier. Il avait si bien conscience de sa situation désespérée que, ne voyant pas venir le mari sur lequel il avait compté, il avait fait donner des leçons de chant à sa nièce. En apparence, ces leçons n'avaient pour but que de compléter l'éducation musicale de Carmelita commencée par lui. Mais en réalité, elles ne tendaient à rien moins qu'à la préparer au théâtre. Sans doute, la chute était terrible. Mais encore, le théâtre valait-il mieux que l'hôpital? Si elle n'avait pas le talent, elle aurait la beauté, et de plus elle aurait ce prestige que donne la naissance. Bien qu'il comptât beaucoup plus sur ses deux moyens de succès que sur le talent, il n'avait pas voulu cependant que le jour où il faudrait les débuter à Scala ou à la Fenice, elle fût exposée au sifflet, et c'était pour les lui éviter qu'il la faisait travailler chaque jour avec un de ses compatriotes, nommé Lorenzo Beio, qui était un professeur de mérite. Bien entendu, il n'avait pas été question de paiement entre le prince et le professeur. Cependant, les leçons de celui-ci n'étaient pas gratuites. Si Carmelita se mariait, comme le prince l'espérait, elle serait alors largement payée. Si au contraire le mariage ne se faisait pas, Carmelita entrait au théâtre, elle accorderait à son professeur une remise proportionnelle à ses appointements. C'était donc sérieusement qu'elle travaillait sous la direction de Lorenzo Beio, durement, avec ennui, mais aussi avec cette résignation placide qu'elle apportait à tout dans la vie. Son professeur absent, elle ne faisait rien de ce qui lui était imposé. Présent, elle se pliait à tout ce qu'il exigeait, et s'il voulait prolonger la leçon, ce qui arrivait souvent, elle ne se révoltait point. Telle était leur situation quand le baron Lazarus était venu communiquer sa lettre au prince, si complètement désespéré que Lorenzo Beio, qui ne désirait pas le mariage de son élève, mais qui au contraire voulait son entrée au théâtre, s'occupait d'un engagement à la Pergolèse. Cette lettre et cette visite donnèrent des forces nouvelles au prince et lui rendirent le courage. Tout n'était pas perdu, il n'y avait qu'à attendre. En reprenant son sourire des beaux jours, son amabilité, ses manières aisées et affables, sa familiarité protectrice, il recommença quelques tentatives auprès des fournisseurs les moins exaspérés. Il ne venait pas leur faire une commande nouvelle, mais seulement leur donner l'assurance qu'ils seraient prochainement payés, très prochainement. Ce n'était plus une affaire que de quelques jours. Le mariage de sa nièce était décidé, un mariage superbe, splendide, digne en un mot de la beauté et de la naissance de Mademoiselle Belmonte. Si le fournisseur restait calme et froid en apprenant cette grande nouvelle, et répondait simplement « c'est bien », le prince n'insistait pas et, après avoir salué avec une noble dignité, il s'en allait recommencer cette histoire ailleurs, d'un visage joyeux. Mais si ce nouveau créancier laissait paraître un sourire dans ses yeux, s'il lui échappait un seul mot, « Ah, vraiment ?» Le prince aussitôt entrait dans des détails circonstanciés sur le futur mari de Carmelita, ne cachant que son nom, mais se répandant en renseignements précis sur sa fortune, et le résultat de ces confidences presque amicales était une nouvelle commande, s'ajoutant à la vieille note déjà si longue. Grâce à ces moyens, la vie devint moins difficile pour eux, et la main de la misère qui les étranglait se desserra un peu. On put renouveler le linge et limer jusqu'à la corde. En engageant au Mont-de-Piété quelques-unes des fournitures nouvelles, on put même se procurer de l'argent sonnant. Mais il fallait ménager ses ressources, cette fois bien décidément les dernières. Il fallait se hâter. Ou plutôt il fallait que le baron Lazarus se hâtât. Car d'entrer lui-même en action, le prince n'en avait pas le désir. Se mettre en avant, au premier rang, à découvert, répugnait à son caractère. Et il sentait très bien que cette façon de combattre paralysait tous ses mouvements. D'ailleurs, que pouvait-il ? Chercher la preuve que Madame de Lucilière n'était pas fidèle au colonel. De cela, il ne doutait pas. Mais de la conviction intime à la preuve matérielle, il y a loin, souvent. Pour obtenir cette preuve ou ces preuves, il fallait exercer une surveillance spéciale, et de tous les instants, sur la marquise, aussi bien que sur ceux qu'on lui donnait pour amants. Serkis Pacha, Lord Ferguson, le prince Eratov, le duc de Mestosa, et quelques autres peut-être. Mais cette surveillance, il ne pouvait pas la pratiquer lui-même, car il serait bien vite découvert, et alors tout serait perdu. Il fallait donc qu'il la fît exercer par un tiers habile et dévoué. Mais hélas, l'habileté et le dévouement se payent cher en ce monde. Et bien qu'il eût en vue un homme doué de cette habileté et capable, mieux que personne, d'exercer cette surveillance, il ne pouvait pas l'employer précisément parce qu'il était habile. En effet, cet homme, qui connaissait bien le prince et sa position, ne se serait chargé de cette besogne que moyennant une forte somme, dont partie aurait dû être payée d'avance, et ce paiement était en ce moment impossible. Il y avait donc, à moins d'un bienheureux hasard, d'aide à attendre que du baron, et c'est le baron seul qu'il devait tout d'abord lancer en avant. Comment ? Il en était à chercher un moyen d'action qui devait être assez habilement choisi pour ne pas éveiller la défiance de son allié, lorsque ce hasard bienheureux, sur lequel il ne comptait guère, vint lui permettre d'obtenir lui-même, sans se compromettre en rien, ses preuves si ardemment désirées et si impatiemment attendues.